Bon après-midi à vous tous et bienvenue à ce journal de la soirée de ce dimanche dont voici les grands titres. À la veille de la journée internationale des personnes disparues, les États sont appelés à collaborer avec le comité des disparitions forcées et le groupe de travail sur les disparitions forcées. Cela ressort de la déclaration du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le Conseil des ministres de ce mercredi a analysé et adopté que l'État doit maintenir 67% des actions à la nouvelle banque de l'habitat du Burundi, BHB, soit plus de 4 milliards de francs-bourg pour augmenter le capital. Et les cultivateurs de coton en province Bubanza qui ont vendu le coton à crédit à la COGERCO se lamentent qu'ils ont attendu le paiement depuis bientôt 2 mois sans succès. Les détails, c'est dans quelques secondes. La mise en onde est assurée par Eli Kadogou et à la présentation, vous êtes avec Ornella Mucho. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le Conseil des ministres a analysé et adopté ce mercredi la note concernant l'augmentation du capital social, la nouvelle banque de l'habitat du Burundi et ses fonds de l'habitat urbain. Dans un communiqué lu par Prosper Nahugwamiye, secrétaire permanent et porte-parole du gouvernement, précise que cette banque souhaite passer de plus de 13 milliards à 20 milliards de francs-bourg et dans le but de promouvoir l'habitat, le gouvernement du Burundi, lequel est l'actionnaire principal, doit maintenir 68% des actions, soit plus de 4 milliards de francs burundais. Suivez-le. Le Fonds pour la promotion de l'habitat urbain a été créé en 1989 avec un capital social de 100 millions de francs-bourg. Actuellement, il a un capital de 13 milliards 935 675 294 francs-bourg, répartis entre 27 actionnaires dont 67,08% appartiennent à l'État du Burundi. Dans le souci de promouvoir l'habitat, le gouvernement a recommandé que le fonds se transforme en une banque, ce qui lui permettrait de mobiliser plus de ressources. Cela s'est réalisé cette année. C'est dans ce contexte que cette nouvelle banque souhaite mobiliser les ressources pour augmenter son capital, passant de 13 milliards de francs-bourg à 20 milliards et qui proviendront en premier lieu de l'apport des actionnaires actuels ou potentiels. L'État du Burundi étant le promoteur et actionnaire principal, s'il veut maintenir 67% des actions, Il est indispensable d'augmenter son capital de 4 695 600 000 francs bourg afin de maintenir son niveau de représentativité au conseil d'administration. À l'issue de l'analyse de la note, le conseil des ministres a reconnu la nécessité que le fonds devienne une banque et a formulé les observations et les recommandations suivantes. Le processus de mutation du fonds vers la banque a été fait sans que l'État, actionnaire principal, ait été consulté par ses représentants dans les organes d'administration du fonds. Il est nécessaire d'établir les responsabilités sur les manquements observés dans ce processus. Une note détaillée expliquant le processus de mutation du fonds vers la banque est nécessaire. Il faut s'assurer que les missions initiales du fonds, à savoir la promotion de l'habitat, restent les mêmes. Il faut faire en sorte que la banque travaille réellement dans le souci de promouvoir l'habitat en rabaissant le taux d'intérêt pour qu'elle marque la différence par rapport aux banques commerciales. Il faut s'assurer que le personnel remplit les conditions nécessaires exigées pour une banque. Le ministre en charge des infrastructures va veiller à ce que le cadre légal régissant cette nouvelle structure soit mis en place et que les recommandations formulées soient mises en œuvre. Et les États sont appelés à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et à collaborer avec le comité des disparitions forcées, le groupe de travail sur les disparitions forcées. Un appel du secrétaire général des Nations Unies à la veille de la journée internationale des personnes disparues. Dans sa déclaration, Antonio Guterres affirme que les avocats, les témoins, les opposants politiques et les défenseurs des droits humains en sont les premières victimes. Des détails avec Mireille Kanyang. Selon cette déclaration du secrétaire général des Nations Unies, les disparitions forcées continuent à être utilisées dans le monde entier comme un moyen de répression, de terreur et pour étouffer la dissidence. Et sont parfois, poursuit-il, utilisées sous prétexte de lutte contre la criminalité et le terrorisme, les avocats, les témoins, les opposants politiques et les défenseurs des droits humains étant les premières victimes. Selon toujours cette déclaration, les disparitions forcées prive les familles et les populations du droit de connaître la vérité sur le sort de leurs proches, d'exiger des comptes et d'obtenir justice et réparation. Antonio Guterres précise que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées est un instrument indispensable à la lutte contre cette pratique qu'il qualifie de lâche. C'est une convention qui n'aura d'effet que si ceux qui ont le pouvoir mobilisent la volonté et la détermination nécessaires. Pour lui, les États doivent s'acquitter de leurs obligations et prévenir les disparitions forcées, rechercher les victimes et faire en sorte que les auteurs soient poursuivis, traduit en justice et sanctionné. À la veille du 30 août, journée internationale des personnes disparues, le secrétaire général des Nations Unies exhorte de nouveau tous les États à ratifier la Convention et à collaborer avec le comité et le groupe de travail sur les disparitions forcées. Au Burundi, dans son rapport de 2020, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme fait savoir qu'elle a été informée de l'enlèvement suivi d'assassinat le 13 mai 2020 d'un homme d'affaires en mairie de Bujumbura. Cependant, les enquêtes n'ont jamais permis, affirme la CNIDH, d'identifier les coupables. Une autre allégation d'enlèvement suivi de disparition a été enregistrée à la CNIDH, mais finalement, la personne a été retrouvée martelée. Ce rapport de la CNIDH, édition 2020. Page politique à présent, Gabriel Banzawitonde a été reconduit à la tête du parti Alliance pour la paix, la démocratie et la réconciliation APDR. Il a été élu ce dimanche à l'occasion du congrès ordinaire de ce parti et selon le communiqué de l'APDR, le comité exécutif passe de 5 à 7 ans. Page justice, il s'observe des jugements qui ne sont pas exécutés ou mal exécutés dans différents tribunaux. Cela a été dit par l'Ombudsman burundais. C'était lors de la réunion que le président de la République a organisée au cours de cette semaine avec tous les juges et magistrats du Burundi. L'une des causes évoquées par les participants, c'est le manque de véhicules dans les tribunaux. Les détails plutôt avec Yvette Ninjimbele. Lors de la réunion que le président de la République du Burundi a organisée dans cette semaine, l'ombudsman burundais Edouard Nduimana a indiqué qu'un phénomène de non-exécution des procès s'observe actuellement dans plusieurs tribunaux. Beaucoup de jugements rendus ne sont pas exécutés. Vous, juges et magistrats, vous savez très bien qu'il serait mieux de ne pas rendre un jugement au lieu de ne pas l'exécuter ou l'exécuter mal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jugements rendus mais non exécutés et ce mal exécuté. C'est dans de telles façons que surviennent les causes à la base de cet état de fait, à savoir en premier lieu la corruption. Josine Manirumba, juge à la Cour suprême, parle de manque de véhicules dans des tribunaux comme l'origine de non-exécution des procès. Depuis 2017-2018, il y a des procès qui ont été classés par manque de moyens, de matériel. L'on dit que l'on peut exécuter des jugements sans véhicule, mais c'est une question très pertinente. Il faudrait que ces véhicules soient disponibles pour que les juges puissent se déplacer et aller sur le terrain. Je me suis rendu compte qu'ils n'ont jamais reçu de déplacement de véhicules. Pour que les procès soient exécutés de façon satisfaisante, les juges et magistrats qui ont participé dans cette réunion ont demandé au gouvernement de rendre disponibles des véhicules dans tous les tribunaux du pays. Isanganiro. À 17h41, poursuivons ce journal par la page Justice. 142 conflits fonciers ont été résolus durant une année à partir du mois d'août. L'année passée jusqu'aujourd'hui, 80 conflits familiaux ont été également réglés par les notables de la colline en collaboration avec les administratifs à la base dans la province de Bubanza. Cela a été déclaré par le représentant provincial de Bashingana et dans cette province. C'était ce samedi en commune Gihanga où on célébrait la fête annuelle de l'institution de Washingana et Augustin Kinoawadzi, représentant provincial, a appelé la population en conflit à demander conseil auprès de Washingana et avant de se plaindre à la police ou au tribunal, car des fois ces conflits retournent sur la colline. Dans cette même province, les cultivateurs de coton qui ont vendu le coton à crédit à la Cogerco se lamentent qu'ils ont attendu le paiement depuis bientôt 2 mois sans succès. Ils disent qu'ils sont confrontés à la pauvreté, ne voient même pas comment ils vont envoyer leurs enfants à l'école à la rentrée scolaire prochaine. La Cogerco reconnaît son retard et tranquillise que le paiement est prévu pour la semaine prochaine. Spécialitas Kawanyana. Ces cultivateurs de coton se lamentent et déplorent le fait qu'ils ont vendu à crédit le coton au début du mois de juillet dernier et qu'ils ont attendu le paiement sans succès. Ils disent qu'ils sont confrontés actuellement à la pauvreté et que la rentrée scolaire prochaine leur sera difficile à gérer sans matériel scolaire, sans Minerval et sans uniforme pour leurs enfants. Nous avons vendu le coton il y a 2 mois et nous avons besoin de notre argent. Nous voulons acheter le matériel scolaire pour nos enfants et de quoi manger. Ces cultivateurs demandent aux autorités de les aider à être rétablis dans leurs droits. Nous demandons au directeur de la Cogerco de nous payer notre argent et toutes les autorités qui le peuvent, qu'ils nous aident à avoir notre argent. À la Cogerco, on tranquillise et on précise qu'on est en train de préparer le paiement de ces cultivateurs. Gustave Majambele, directeur général à la Cogerco, contacté au téléphone, précise que ces personnes vont être payées au cours de la semaine prochaine. Spécialitas Kavanyana, Bumanza, Radio Isanganiro. Page santé, 95 cas de COVID-19 sont déjà enregistrés à Uvira, c'est en RDC. Et 40 personnes restent encore malades, 50 sont déjà guéries et 5 sont déjà décédées. Cela ressort du rapport fourni vendredi 27 août par la représentation de l'OMS dans la ville d'Uvira. Selon le docteur Gervais Bissimoa, représentant de l'OMS, les chiffres continuent d'augmenter du jour au jour. Il interpelle les médias de redoubler d'efforts pour sensibiliser la population au respect des mesures barrières. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La morelle noire est une plante à usage médicinal très utile à la santé humaine. Elle contient différentes vertus dont le minéré Gervais Nangwahafi, chercheur nutritionniste, fait savoir que la morelle noire lutte contre les douleurs, notamment les douleurs gastriques. Il interpelle les consommateurs à toujours plonger cette plante dans l'eau bouillante pour réduire son amertume au merdouaille. La morelle noire se subdivise en différentes catégories. Gilbert Nangwahafi, chercheur nutritionniste, signale que la morelle noire devient amère dépendant de la région où elle est plantée. La morelle noire, dit nos scientifiques Solanum nigrum, en Kirundi Isogo, contient des glycoalkaloïdes toxiques. Elle possède aussi des minéraux comme le calcium, le phosphore, le fer, etc. Des vitamines comme vitamine C, vitamine A, vitamine B1, vitamine B3. Elle possède aussi des calories, des protéines, des lipides et des glucides. Contrairement à d'autres produits similaires, elle n'est pas toxique à des doses relativement faibles, mais peut être dangereuse si des doses élevées et si on l'utilise par voie interne. Les douleurs et la foie sont parmi les maladies que prévient la morelle noire, fait savoir toujours Gilbert Nangwahafi, chercheur nutritionniste. Et si la santé humaine, la Solanum nigrum ou bien la morelle noire, c'est un antispasmodique, analgésique, narcotique, sédatif aussi. C'est pourquoi elle lutte contre les douleurs gastriques, intestinales, hémorroïdales, etc. Autrefois, on l'utilisait en cas de la lèpre, la dysurie, spasme vésicaux, santé rénale. Améliore aussi la santé de la rate, 10 fois, prévient aussi la jaunisse. Elle est utilisée aussi comme hémorrhia analgésique pour soigner les démangeaisons, douleurs névralgiques, brûlures, vertiges expectorantes et laxatives. Il conseille aux consommateurs de vouloir commencer par plonger la morelle noire dans une eau bouillie pour une meilleure préparation. Grâce à la présence de l'alcaloïde solanine, cette plante agit comme une narcotique, soit sur le cervelet, soit sur la bile et la moelle vertébrale, et paralyse l'extrémité des nerfs sensoriels et moteurs, d'où résulte son action analgésique et sédative. Concernant sa préparation, on trie d'abord les blés de molleilles, on les effeuille et garde les jeunes feuilles et tiges. Comme il y a deux types de morelle noire ou qui possède beaucoup d'amertume, c'est mieux de la plonger pendant 2 minutes dans l'eau bouillante pour réduire ou bien adoucir l'amertume. Et sachez que l'amertume peut dépendre du type de sol. L'eau extraite de cette plante est très riche. La solanine que contient la morelle noire est aussi trouvée dans les pommes de terre, aubergines et dans les tomates, comme l'affirme Gilbert Nangwahafi. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.